Il est minuit, à ma montre, je sens tout comme le monde. Hier soir, j'ai rêvé que je m'appelle la crème, que j'avais tout niqué. Toutes les balles sont dans les barrières. Elle mou de la chatte, elle va se marier. Si tu veux acheter, on a tout ce qu'il faut. Tu fais du détail, pourquoi tu fais le gros? Le son parle en panne, y'a R, y'a R. Tout le club à l'envers, c'est la guerre, la guerre. Prends pas moi, tout pour ça. Prends pas moi. Qu'on est les meilleurs, j'ai leur corps déter. J'ai fait des mitrailleurs, on fait des lots. A pu savoir où les mettre. On était tous un peu comme Pablo. On est tous mecs d'un CD, ton CD. J'ai dans la boîte, sur plein de bouteilles. Sa mère l'oseille, on se tue pour elle. Je regarde le ciel, complètement bourré. 7h du mat, j'ai délaissé le sel. Prends pas le mal, tout pour le show. C'est le jour de l'an, mon ref en dépense, on fait coller le sang, coller le sang, coller le sang. Tous les yeux sur nous, mais parfois des jaloux.